bien ça. Se moquer toujours du bas. Oh, c'est pas bien ça. Manquer de respect à moi. Oh, c'est pas bien ça. Dis toujours n'importe quoi. C'est pas bien ça. Me mentir toujours comme ça. Tu as marqué l'indifférence. Quand mon cœur est tombé, je regrette toujours ton absence. Au bord du lac où on s'est rencontré. C'est pas bien ça. On ne va plus au cinéma. Oh, c'est pas bien ça. Je t'ai mes lettres comme ça. Oh, c'est pas bien ça. Tu dois fermer la porte à clé. Oh, c'est pas bien ça. Et toi tu me raccroches au nez. J'ai voulu t'acheter une voiture en m'endettant très fort. J'ai cru en toi à l'aventure. Et toi tu m'as laissé tomber. C'est pas bien ça. Plus jamais penser à moi. Ça, de me faire de la peine comme ça. Oh, c'est pas bien ça. Je suis dans ta vie des douleurs. Oh, c'est pas bien ça. Et toi tu m'as laissé en pleurs. T'avais donné une chance. Mais je m'étais trompé. J'ai tellement cru en ma patience. T'en as remplacé l'été. Se moquer toujours tout bas. Oh, c'est pas bien ça. De me mentir toujours comme ça. Oh, c'est pas bien ça. Manquer de respect à moi. Oh, c'est pas bien ça. Je t'ai mes lettres comme ça. Oh, c'est pas bien ça. Plus jamais penser à moi. Oh, c'est pas bien ça. Me faire de la peine comme ça. Oh, c'est pas bien ça. On ne va plus au cinéma. Oh, c'est pas bien ça. Se moquer toujours de moi. Oh, c'est pas bien ça.